Et c'est paradoxalement ce début d'hiver, dimanche dernier, le 5 janvier, que notre planète se trouvait au périhélie du Soleil, soit à son point le plus proche de son orbite autour de notre étoile. Dans un mois tout juste, dans la nuit du 5 au 6 février prochain, l'Agence spatiale européenne devrait lancer sa propre mission d'études solaires, Solar Orbiter, tandis que celle de la NASA, Parker Solar Probe, a commencé à envoyer ses premières données qui ont donné lieu à plusieurs publications au mois de décembre dernier. Autant d'excellentes raisons pour se pencher sur notre étoile et notamment sur sa couronne et l'énigme qui entoure cette zone des milliers de fois plus chaude que sa surface. Mission solaire, la bataille pour la couronne, c'est le programme calorifère qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les dernières nouvelles du Soleil, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mio Janvier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, chercheuse à l'Institut d'astrophysique spatiale de l'Université Paris-Saclay et Tahar Amari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS au Centre de physique théorique de l'École polytechnique. Mais avant de nous hisser jusqu'au cœur de notre étoile, il est l'icar de l'actualité scientifique. Pendant le repos mérité de Natacha Triou, c'est Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pour le Journal des Sciences. Et pour commencer ce journal, une cinquantaine de personnes souffrent d'une maladie encore inconnue en Chine. Oui, et sur ces 59 personnes atteintes par cette épidémie de pneumonie dans la ville de Wuhan, au centre de la Chine, 7 sont toujours dans un état critique. La souche du virus provoquant ces pneumonies est inconnue et les autorités chinoises craignent déjà une nouvelle épidémie de type syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, qui avait causé la mort de près de 800 personnes entre 2002 et 2003. Où en est l'identification de ce nouveau virus et quelle parenté pourrait-il avoir avec le SRAS? Écoutez Yazdan Pana, il est directeur de l'Institut d'immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie à l'INSERM et chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. Le SRAS, c'est une épidémie qui date de 2003, qui était liée à un virus qui s'appelle le coronavirus. C'était en Chine, c'était lié à l'exposition à un animal qui s'appelle civette, qui est une espèce de chat en fait. Il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de morts, il y avait vraiment une transmission interhumaine. Mais c'est sûr que quand vous avez des cas respiratoires groupés comme ça en Chine, ça fait toujours penser à une épidémie qui s'est passée en 2003. Cela dit, pour l'instant, l'ensemble des investigations qui ont été faites n'ont pas trouvé de virus de coronavirus qui est à l'origine de SARS chez les patients qui ont été investigués. Donc, il y a des ressemblances en termes de forme clinique respiratoire, en termes de pays où ça survient. Mais le virus n'a pas été isolé, donc a priori c'est pas SARS. D'abord, c'est toujours pareil, on cherche les virus qu'on connaît. Donc a priori, ils ont essayé de chercher jusqu'à maintenant l'ensemble des virus, bactéries qui pouvaient être responsables. Et ils n'ont rien trouvé. Alors il est possible, parce que ça a l'air quand même malgré tout infectieux. Il est possible que ce soit un virus qu'on ne connaît pas. Donc ça a l'air infectieux. Apparemment, ça c'est assez rassurant, il n'y a pas de transmission de homme à homme. Ça je pense que c'est très important. Je pense qu'il faut continuer les investigations pour essayer de trouver, mais pour l'instant, on ne sait pas. Mais ça fait infectieux et viral. Il faut être prudent, il faut regarder ça de très près, et il faut prendre ça de manière très sérieuse. Parce qu'une cinquantaine, c'est beaucoup. Après, je pense que ce qui est rassurant, c'est quand même l'absence de transmission intérimaire et l'absence de transmission au personnel soignant. Ça, c'est quand même cet élément rassurant. Et on passe au bref. Le chercheur chinois qui a fait naître l'an passé les premiers bébés génétiquement modifiés a été condamné à de la prison ferme. He Jiankui, le père de ces bébés génétiquement modifiés, a été condamné à 3 ans de prison ferme et une amende de 3 millions de yuan. L'an passé, ce professeur du département de biologie de l'Université des sciences et de la technologie du Sud à Shenzhen avait annoncé la naissance de 2 jumelles dont un gène avait été modifié grâce à la technologie CRISPR-Cas9 pour les rendre résistantes au VIH. Selon l'enquête, He Jiankui a produit de faux documents d'évaluation éthique pour convaincre deux des huit couples qui s'étaient portés candidats à l'expérimentation. Il a en outre, toujours selon l'enquête, utilisé des technologies à la sécurité et à l'efficacité douteuses. On rappelle qu'on ne sait toujours pas si les modifications provoquées ailleurs dans le génome des jumelles par le recours à CRISPR auront des conséquences graves sur la santé des deux enfants. On ignore également toujours si elles seront protégées à vie contre le VIH. On commence à mieux comprendre pourquoi il y a plus de mini-Terre que de mini-Neptune parmi les exoplanètes. Et l'étude en question est parue dans The Astrophysical Journal Letters. Les auteurs ont cherché à savoir pourquoi parmi les exoplanètes identifiées, la plupart n'ont pas de taille supérieure à 3 fois celle de la Terre. Selon les chercheurs de l'Université de Chicago qui ont réalisé l'étude, les océans de magma présents à la surface de ces planètes auraient tendance à absorber leurs atmosphères lorsque les planètes atteignent une taille environ 2 à 3 fois celle de la Terre. À cause de ce phénomène, les taux de croissance de la planète serait ralenti. Cette proposition permettrait donc d'expliquer pourquoi les planètes de cette taille sont plutôt communes, alors que les planètes de la même taille que Neptune, dites mini-Neptune, sont plus rares. Et enfin, la demande mondiale en pétrole devrait atteindre des sommets plus tôt que prévu. Et c'est une prévision de la firme pétrolière Repsol qui avance d'une dizaine d'années les estimations du pic de cette demande mondiale en pétrole. En 2019, cette demande a atteint les 100 millions de barils par jour, une augmentation de 1% par rapport à 2018. Pour autant, Repsol, qui s'est engagé le mois dernier à réduire ses émissions de CO2 à zéro d'ici 2050, ne compte pas se retirer du marché des hydrocarbures avant au moins une dizaine d'années. Pour Luis Cabra, le responsable du développement de l'entreprise, on aura toujours besoin de pétrole dans le futur. Merci Antoine, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Il est 16h07, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. On entend beaucoup et souvent à ce micro notamment parler de la nouvelle course à la Lune, évidemment de la course pour un vol habité vers la planète Mars, mais assez peu de la course au Soleil. Il y a pourtant 3 missions en cours et à venir qui ont pour objectif de s'approcher au plus près de notre étoile pour en percer un certain nombre de mystères résiduels, et notamment celui de la température de la couronne solaire, 200 fois, je disais des milliers de fois tout à l'heure, j'exagérais un peu, 200 fois plus chaude que celle de la surface. La sonde de la NASA, Parker Solar Probe, lancée en 2018, a déjà fait 3 passages au périhélie et a envoyé plusieurs paquets de données qui ont fait l'objet de publications dans la revue Nature début décembre dernier. L'occasion de faire donc le point sur ces récentes découvertes, sur ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas et ce que l'on cherche à comprendre de notre étoile. Parce que, comme le rappelle l'astronome Paul Couder en 1950, le Soleil, c'est avant tout notre étoile. Notre Soleil est une étoile comme les autres, ni grande ni petite, moyenne dans tous ses caractères. Mais c'est notre étoile. Elle maintient la vie sur la Terre, après l'avoir sans doute engendrée autrefois. Nous lui devons la lumière et la chaleur naturelle, nos climats, notre agriculture et nos saisons, notre météorologie, nos combustibles. Ce soleil ainsi lié à notre existence, nous avons intérêt à l'étudier, à comprendre mieux ses propriétés, à découvrir en lui des pouvoirs encore inconnus pour en tirer parti. En même temps, le soleil est la seule étoile qui puisse être étudiée en détail. C'est lui le prototype obligatoire, c'est lui l'étoile standard. Les progrès de son étude profitent à l'astronomie tout entière. Voilà la voix et l'accent de Paul Couder en 1950, une réaction à ce que vous venez d'entendre, Tahar Mari. Eh bien, je l'ai déjà entendu dire dans votre émission, mais c'est effectivement d'actualité. C'est tout à fait d'actualité et ça n'est pas banal de le dire parce que en parlant ainsi, on a tout de suite une sorte de curseur qui s'installe, qui est un curseur qui existe encore aujourd'hui, où d'un côté, d'une extrême, on va vers la science, la physique fondamentale. C'est ce qui est dit dedans. C'est l'exemple pourquoi étudier le Soleil. C'est une étoile et la plus proche et qui permet d'être observée de nombreux moyens dont on pourra peut-être parler par la suite. Et en même temps, c'est l'étoile qui nous fait vivre. Et donc, c'est l'autre curseur, c'est le même curseur dans l'autre extrémité. C'est notre relation avec le Soleil. Alors, il parle de météo et aujourd'hui, on parle de météorologie de l'espace et donc du Soleil qui a des applications, évidemment, et des impacts sociétaux. Voilà. Mio, j'en viens une réaction peut-être aussi à cette archive. Oui, je rajouterais à ça que le fait que ce soit l'étoile la plus proche de nous fait qu'on a énormément de données que l'on ne peut pas avoir sur les autres étoiles. Et que de connaître, de comprendre comment notre étoile fonctionne, ça nous permet également de comprendre comment les autres étoiles de notre galaxie fonctionnent. Et on a cette chance incroyable d'être finalement autour du voisinage de cette étoile. Et vous avez parlé tout à l'heure de la conquête lunaire et la conquête martienne. Et on comprend de plus en plus l'importance d'étudier les relations entre le Soleil et les planètes du système solaire. Pas seulement la Terre, mais également les autres planètes du système solaire. On va faire rapidement, hein, dans quelques instants, une sorte de carte d'identité, rappeler un peu justement ce que l'on sait, et on sait beaucoup de choses tout de même à propos de ce Soleil, mais peut-être un mot sur ce que j'évoquais au tout début de cette émission, sur le fait que nous étions au plus proche de notre étoile avant-hier, le 5 janvier, le Périhélie, aujourd'hui on le calcule, on sait que l'Aphélie ce sera le 5 juillet, et ça n'a pour autant absolument strictement, de façon très contre-intuitive, aucun lien avec les températures que l'on peut observer sur notre planète, Tahar Hamari ? Sur notre planète et sur le Soleil en particulier. Non, ça n'a pas. En fait, ce qui aurait plus de lien, c'est le périhélie du Soleil, enfin de la sonde, par exemple Solar Probe, qui, lorsqu'elle est approchée deux fois déjà, voire même trois fois, au plus proche du Soleil. Alors ça, pour nous scientifiques, ça a énormément de liens et d'intérêts, comme vous l'avez rappelé par les publications de décembre dernier. Alors, Après avoir acquis évidemment un petit bagage scientifique et technique pour comprendre exactement de quoi il s'agit, peut-être en deux mots pour poser un peu, en quelque sorte, les enjeux de cette émission. Quels sont encore aujourd'hui les grands mystères à percer du Soleil mi-janvier? Alors, il y en a plusieurs. Il y a ce mystère qui reste encore à l'ordre du jour, qui est le chauffage de l'atmosphère du Soleil, que l'on appelle la couronne solaire. En fait, si on peut assimiler en quelque sorte le Soleil en étant comme une source de chaleur, comme par exemple un feu dans une cheminée, normalement, les lois de la physique nous disent que quand on s'éloigne d'une source de chaleur, normalement, les températures devraient baisser. Et donc, on se rend bien compte de ça, du fait que au cœur du Soleil, on a des températures qui montent alors de plusieurs dizaines de millions de degrés. Et quand on arrive à la surface du Soleil, comme ce à quoi on s'attend, les températures chutent, on est à peu près à 6000 degrés. Sauf qu'une fois qu'on rentre dans l'atmosphère du Soleil... Kelvin, hein, je précise. C'est Celsius ? Alors, c'est des Kelvin, mais oui. Bon, vu qu'on est à des milliers de Kelvin, en fait... Ça pue beaucoup voilà. De distance. une fois qu'on rentre dans l'atmosphère du Soleil, là, les températures recommencent à augmenter, ce qui nous paraît complètement contre-intuitif. Donc ça reste un des grands mystères de la physique solaire, qui est pourquoi est-ce que la couronne du Soleil est aussi chaude ? Alors, autre mystère, évidemment, c'est le Soleil étant fait d'un état de la matière que l'on appelle le plasma. L'écoulement du plasma va créer un champ magnétique qui va jusqu'aux confins du système solaire que l'on appelle l'héliosphère. Comment se structure cette héliosphère? Comment se structure le champ magnétique solaire? Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre ce qui se passe au niveau de la surface du Soleil et loin dans le système solaire? Ça reste aussi un mystère. Tahar Hamari, beaucoup de questions hein, effectivement autour de ces enjeux et de l'électromagnétisme du Soleil. Oui, beaucoup, beaucoup, parce que, comme l'a dit ma collègue Madame Janvier, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout est dominé dans le cadre de, si on remontait assez rapidement, en 1975, avant 73 exactement, c'est la mission Skylab, qui est dans une station spatiale, et qui permet d'étudier le Soleil avec les instruments. Avant cela, on pensait que le Soleil était, en fait, assez simple, homogène, avec un champ magnétique assez uniforme, le plus fort dans les taches solaires et partout ailleurs faible. Et en fait, Skylab dans sa campagne a montré que le Soleil était plein d'inhomogénéités de structures et de phénomènes. Des structures que l'on voit vivre sur le Soleil, des protubérances, des boucles hein, qui sont devenues populaires par SDO, la mission plus récente encore en cours, et puis une structuration thermique dynamique et dynamique par des éruptions solaires. Et en fait, ce que l'on sait par la suite des émissions, des missions que je ne vais pas énumérer là dans la suite, puisqu'il y a eu, faut dire Yoko en 91, il y a eu Soho en 95 qui a fait des grandes découvertes, Trace, une mission Trace, enfin tout un certain nombre de missions, RSI, SDO. SDO qui est encore en cours, donc voilà, encore en parlera. Mais en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que tout est gouverné par le champ magnétique. Absolument, tout est gouverné par ce champ magnétique, et de ce champ magnétique n'importe quelle question qu'on pourrait être amené à se poser aujourd'hui, un des mystères, comme l'a dit ma collègue, Mio Janvier, eh bien, ramène à la question ultime qui est d'où vient ce champ magnétique? Et en fait, on en vient à un autre mystère qui est assez contrôlé, mais pour lequel les missions vont apporter des réponses et des ingrédients extrêmement importants, qui est ce cycle solaire. Comment est le champ magnétique comment est généré ce champ magnétique qui ensuite va émerger? Et évidemment, les éruptions solaires, pour lesquelles il reste encore des questions. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc des dernières nouvelles du Soleil, puisque nous en avons de toutes fraîches, publiées début décembre dans la revue Nature, les premières données analysées de la sonde Parker Solar Probe, et vous allez voir qu'il y en a plein d'autres. On en parle avec Mio Janvier et tard à Marie. Alors effectivement, faisons peut-être un petit récapitulatif de ce que l'on sait aujourd'hui, de ce qui est important de comprendre du Soleil pour pouvoir accéder à ces dernières publications. Comment feriez-vous cette carte d'identité du Soleil mi-au janvier? Alors déjà, sa carte d'identité, oui. Par quoi commencer? Déjà par sa composition, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, et un petit peu de ce qu'on appelle la métallicité du Soleil et des étoiles, qui sont tous les éléments qui ne sont pas de l'hydrogène et de l'hélium. Et donc on trouve notamment dans la couronne solaire des éléments comme par exemple des ions de fer, d'oxygène, de magnésium, etc. Son champ magnétique, un champ magnétique important, et comme l'a dit Tahara Marie, un champ magnétique qui global, qui va changer de manière cyclique à peu près tous les 11 à 13 ans. Et donc ça reste aussi une des grandes questions. Pourquoi 11 à 13 ans? Pourquoi ce cycle solaire? Et comment ce cycle solaire a évolué en fait au cours de la vie du Soleil? Autre chose sur sa carte d'identité, c'est son âge. On sait que à peu près 4 milliards d'années et qu'il est à peu près à la moitié de sa vie. Voilà. Tahara Marie, pour compléter cette carte d'identité, qu'est-ce qu'il faut savoir encore du Soleil? C'est une étoile par rapport aux autres populations d'étoiles que l'on a observées. Elle se situe comment? Elle est dans une moyenne normale? C'est une plus petite, une plus grande? Non, elle se situe dans une moyenne tout à fait normale comme étoile, hein, au milieu, compte tenu de son âge en plus, à 4,5 milliards d'années, elle est encore dans la phase où elle brûle encore pendant encore pratiquement autant de l'hydrogène converti en hélium. Et on peut parler de la structure peut-être des différentes couches que compose le Soleil, puisqu'on connaît assez bien finalement ces différentes couches. Aller vraiment rapidement, hein. On sait, comme l'a dit Mio Janvier déjà, c'est que au cœur c'est une quinzaine de millions de degrés. Donc ça c'est le noyau. C'est le noyau. Ah, allons-y. Le noyau, qui fait environ 150 000 km, et ensuite on monte dans une zone qui est purement qu'on appelle radiative, jusqu'à environ 500 000 km. Et là, jusqu'à 500 000 km, alors je suis obligé de rappeler, même si on ne parle pas d'SDO, on va parler d'une mission qui est une mission qui est partie en 95, qui a quand même été une des très grandes missions, lourdes missions, c'est-à-dire au sens qu'elle avait déjà... c'est une fenêtre, vous voyez, il y a eu plusieurs aires dans les missions spatiales, et SOHO était équipé de nombreux instruments qui permettaient de regarder, peut-être on aura l'occasion d'en parler, comment regarder le Soleil et pourquoi les différentes couches de température par des instruments et comment, eh bien de regarder et de s'apercevoir en écoutant en quelque sorte une sorte de musique du Soleil, hein, c'est-à-dire les ondes qui se développent dans le cadre du Soleil, qui tracent en particulier sa structure interne et sa rotation, de découvrir que le Soleil tournait à peu près rigidement jusqu'à 500 000 km par seconde, c'est-à-dire, 500 000 km du centre. Du centre, oui, c'est ça, ce n'est pas une vitesse, c'est une distance. C'est une distance à la fin de la zone radiative, pour commencer à tourner rapidement de manière différentielle, plus vite au pôle, à l'équateur qu'au pôle. Et ensuite, parcourir ces 200 000 km qui restent environ, qui sont... ce qu'on appelle la zone de convection. Et en fait, sur ces 700 000 km, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un photon qui est produit lors de ces réactions nucléaires d'hydrogène en hélium, ce photon pourrait parcourir cette distance de manière très très rapide, puisqu'il faut 8 minutes pour la lumière venir du Soleil, 150 millions de kilomètres à la Terre. Et en fait, il va lui falloir plus de 170 000 ans, parce qu'à chaque fois, il va rencontrer, collisionner d'autres, dans ce milieu-là, d'autres... Pour atteindre uniquement la surface, c'est-à-dire 700 000. Donc on arrive à 700 000, et comme l'a bien dit ma collègue, Mio, Janvier, eh bien, on est aux 6 000 degrés. Mais la structure ne s'arrête pas là. C'est que la structure, effectivement, et là, ça c'est la photosphère. Donc la photosphère, c'est ce qu'on appelle la surface visible, c'est ce qu'on observe dans les photos classiques, mi-janvier. Exactement, voilà. C'est ça. C'est alors il faut pas parce regarder. Parce qu'on parlait de surface, mais en fait c'est une surface théorique. C'est en fait une surface où l'opacité commence. Alors il faut pas regarder le soleil de manière directe avec ses yeux, mais c'est en fait elle émet principalement dans la lumière visible, donc la lumière que l'on peut capter nous avec avec nos yeux. À partir de là, on commence à rentrer, comme l'a dit Tahara Marie, dans la structure de l'atmosphère du Soleil. Donc le Soleil, tout comme la Terre, a une atmosphère. La première couche, c'est ce que l'on appelle la chromosphère. Donc là, on recommence à chauffer un tout petit peu. C'est en quelque sorte l'atmosphère basse du Soleil. Et puis, tout d'un coup, on a un changement assez drastique de température, une chute de densité, et on rentre dans cette couronne solaire. Et donc, entre les deux, on a cette région de transition. C'est ça, c'est entre la photosphère, c'est-à-dire la surface et la couronne, qu'il y a cette augmentation brutale de la température. Tout à fait, comme on l'entend, absolument. Et ça va être lié évidemment à ce qu'on va dire sur les missions récentes, missions en cours, hein, qui viennent de partir comme Solar Probe, où on entend souvent, voilà, on va résoudre le mystère de la couronne solaire et de la température solaire. Donc comme l'a bien dit Mio Janvier, ce qui est très important, c'est qu'on passe de 6000 degrés à une quinzaine de milliers de degrés en quelque chose comme 2000 km. C'est-à-dire l'épaisseur, la photosphère fait environ 500 km, et à 2000 km, on est déjà plus chaud. À comprendre, grande question. Mais ensuite, on passe en quelques centaines de kilomètres, même probablement 100, 200, enfin, c'est pas des sphères avec... C'est-à-dire un millimètre à l'échelle de... On passe à des centaines de milliers de degrés, c'est une zone qui s'appelle la zone de transition, pour arriver perché déjà, en gros, on est déjà à 1 million de degrés, à 7000 kilomètres, d'accord ? À 7000 kilomètres, on est déjà à 1 million de degrés, c'est le début de la basse couronne. Donc, c'est important de parler de 7000 kilomètres parce que ça nous permet de placer d'où on observe le Soleil. Quand on observe le Soleil, on l'observe à 150 millions de kilomètres. Quand on l'observe de Solar Orbiter, on l'observera à une soixantaine de rayons solaires, si c'est ça. Donc ça peut faire 45 millions de kilomètres, par exemple. Et la Solar Probe s'approchera au plus près, en 2025, à 7 millions de kilomètres. Le rayon équatorial du Soleil, c'est 700 000 kilomètres. Donc, pour avoir un ordre absolument de grandeur. Et donc là, on passe au million, et comme l'a bien dit ma collègue, ensuite, ça définit la manière, tout cela va définir la manière dont on observe le Soleil. Comment observe-t-on et comment sait-on qu'on est à 1 million, qu'on est à 5 000 ? Eh bien, voilà, De quoi on parle exactement quand on parle de ces cycles de 11 à 13 ans, mi-janvier ? C'est quoi ces cycles solaires ? Alors, je dirais que la manière la plus simple que n'importe quelle personne peut, qui vivrait assez longtemps, pourrait s'en rendre compte, c'est en comptant notamment le nombre de taches solaires qui apparaissent sur la surface du Soleil. Et donc, il faut savoir que dès l'invention de la lunette astronomique, même Galilée lui-même a fait des mesures, notamment de la taille, du nombre de taches solaires qui apparaissaient sur la surface du Soleil déjà dans les années 1600. Et depuis, on a continué à compter ces nombres de taches solaires. Alors, c'est quoi ces taches solaires déjà, simplement ? Alors, si on regarde la surface du Soleil, donc la photosphère dont on avait parlé tout à l'heure, qui apparaît en lumière visible, une tache solaire, c'est véritablement une zone de cette photosphère qui apparaît relativement plus sombre que son alentour. Et en fait, on sait maintenant, grâce à nos mesures de champ magnétique, que ces taches solaires sont en fait associées à un champ magnétique très très important, et donc aussi à une densité un peu plus faible que son alentour. Donc en fait, les températures sont encore très chaudes, mais un peu moins chaudes que les alentours, la raison pour laquelle elles apparaissent un peu plus sombres. Donc on a maintenant à peu près 400 ans de données de taches solaires, et en fait, si on les compte, on s'aperçoit que, eh bien, on a une oscillation dans le temps, avec un maximum de taches solaires au maximum d'activité du Soleil, et un minimum où on a vraiment pas beaucoup de tas solaires. Donc là, par exemple, le Soleil est en minimum d'activité, il recommence un tout petit peu un nouveau cycle, et effectivement, on n'a pas vu beaucoup de tas solaires dans l'année précédente, en tout cas. Alors, maintenant qu'on a les missions spatiales qui nous ont permis de regarder le Soleil dans d'autres gammes du rayonnement électromagnétique, notamment le rayonnement extrême ultraviolet, on s'aperçoit que les tas solaires sont également associés à des explosions que l'on peut voir dans l'atmosphère du Soleil, que l'on appelle des éruptions solaires. Et ces éruptions solaires vont dégager beaucoup de radiation dans cette gamme du champ électromagnétique. Et maintenant, on comprend un peu mieux ce cycle solaire comme étant non pas seulement l'apparition de taches, mais également l'apparition d'explosions et l'envoi dans l'espace de ce qu'on appelle des éjections de masse coronale, qui sont en quelque sorte des sortes de grandes tempêtes magnétisées dans l'espace. Un mot peut-être, Tahar Amari, à propos de ces fameuses éruptions solaires, ces éjections de masse coronale qui sont très impressionnant, dont on a beaucoup d'images et dont on va reparler, parce que précisément les dernières données qu'on a nous indiquent, notamment dans le domaine électromagnétique, plus d'indications, de renseignements en tout cas sur la nature magnétique de ces éjections. Si on résumait de manière simple, mais qui dans chaque partie pourrait être le sujet de nombreuses émissions, on dirait qu'une éruption solaire, c'est une libération d'énergie au départ très importante, qui se décline sous plusieurs formes, qui se décline tout d'abord rapidement par du rayonnement, comme l'a dit ma collègue, et bien Mio. Janvier, eh bien, il y a du rayonnement. Ce rayonnement dans différentes longueurs d'onde, qui vont des longueurs d'onde pour les éruptions les plus fortes en rayons X. Et les éruptions sont classées un peu comme les tremblements de terre sont classés sur une échelle de Richter. Là, c'est classé par leur rayonnement en X mou. Eh bien, on classe et on passe d'une classe les A les plus faibles, les B les X les plus grandes, etc. jusqu'au plus fort. C'est le rayonnement. Ensuite, les éruptions solaires, donc ce rayonnement, il nous parvient justement en 8 minutes pour 150 millions de kilomètres. Ensuite, on a des particules. Ces particules sont des particules énergétiques qui vont être dans le processus, justement, c'est un des objets des missions, d'étudier comment elles sont accélérées, y compris sur leur orbiteur. Eh bien, ces particules, elles vont mettre plus, elles peuvent mettre de 10 à 30 minutes pour nous arriver, ces particules. Et en troisième, et qui n'est pas présent dans toutes les éruptions, mais dans les éjections coronales de masse, il y a cette énorme bulle de magnétique, mais contenant de la matière solaire, qui, elle, va voyager entre 1 à 4 jours, c'est-à-dire à plusieurs millions de kilomètres, et produisant quelque chose qui est justement en lien avec ce que ma collègue Mio Janvier a évoqué, qui est que comment cela va remplir, enfin comment ça va peupler l'héliosphère, c'est qu'on a, on parle ensuite de nuage magnétique, un nuage de plusieurs millions de kilomètres, plusieurs milliards de tonnes, qui va donc voyager pour arriver vers la Terre. Et tout ça, en fait, tout ce que je vous ai dit, c'était de l'énergie. Et donc, ce que l'on sait c'est aujourd'hui, c'est que cette énergie, vient du celui qui commande toute l'atmosphère solaire, c'est-à-dire le champ magnétique. Mmh. C'est de la conversion de cette énergie qui prend source du cycle solaire, qui ensuite se manifeste dans des événements. Là, on parle des éruptions, mais on va voir aussi qu'elle se manifeste dans probablement ce qui permet d'expliquer la température de l'atmosphère solaire. Donc voilà ce qu'une éruption va produire, sans parler évidemment des aspects sociétaux. Mieux janvier. Vous voulez réagir ou compléter, non ? Non, c'est... Ok. Bah justement, on va voir comment on observe. On va parler donc de ces fameuses missions. On va partir de l'observation terrestre pour aller dans l'espace avec les missions qui sont en cours, les missions à venir. Tout ça dans quelques instants. De la mer. Depuis j'ai sous le soleil, sous le soleil. Exactement, juste en dessous. Était-ce là, Nouveau-Mexique? Était-ce sur un archipel sous le soleil exactement? Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil exactement, juste en dessous. Hommage à la regrettée Anna Karina, 16h30 sur France Culture, sous le soleil exactement. C'est l'endroit où nous nous situons puisque nous parlons du soleil tout au long de cette heure et des dernières missions, des premiers résultats dont nous disposons, qui ont été récemment publiés en décembre dans la revue Nature. Nous en parlons avec Mio Janvier, qui est astrophysicienne, chercheuse à l'Institut d'astrophysique spatiale de l'Université Paris-Saclay et Tahara Marie, qui est astrophysicien, directeur de recherche CNRS au Centre de physique théorique de l'École Polytechnique. Alors avant de partir observer le soleil dans l'espace, eh bien, on commence par l'observer depuis la Terre. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au LESIA, l'observatoire de Meudon, qui dispose de 110 ans d'observation du soleil grâce à un appareil toujours en service. Il s'agit d'un vieux spectro-héliographe en service depuis le tout début du XXe siècle, qui étudie essentiellement la chromosphère du soleil. Jean-Marie Malherbe et Isabelle Buallet m'ont fait une démonstration. L'instrument est composé d'une lunette montée sur un chariot mobile qui suit le mouvement apparent du soleil. Le spectrographe balaye la chromosphère via une fente et par son système optique relié à une caméra, il en fait des images monochromatiques. On a alors des images du soleil dans une longueur d'onde précise, par exemple l'hydrogène, ce qui permet de sonder la composition chimique de la surface ou bien de détecter des événements comme les filaments ou les protubérances. Alors, Meudon, c'est un lieu de référence pour la collecte de données astronomiques solaires. Nous avons une collection qui est effectivement unique au monde, puisque nous avons 10 cycles d'observation. Un cycle solaire dure 11 ans. Donc nous avons 110 ans d'observation qui ont été enregistrés de façon continue. Nous suivons l'activité du Soleil. C'est une activité globale dans son ensemble, dans laquelle on va tracer les taches, les filaments, les instabilités des protubérances et bien entendu les éruptions et les éjections de masse coronale. Alors aujourd'hui on n'a pas tellement de chance, il ne fait pas très beau, mais est-ce qu'on pourrait s'approcher de l'instrument et puis essayer de le décrire ? Bien, c'est un instrument à deux parties. Il y a d'abord ce qu'on appelle un collecteur de lumière qui permet de capter les rayons du soleil et de les focaliser dans un endroit particulier qu'on appelle le plan image de l'instrument. Et il y a une seconde partie qu'on appelle le spectrographe, qui est un appareil qui permet de décomposer la lumière du soleil dans ses constituants les plus intimes et d'isoler ce qu'on appelle des raies spectrales. Les raies spectrales sont caractéristiques du milieu où elles se forment et donc caractéristiques des différentes couches de l'atmosphère du soleil. Comment ce spectro-héliographe parvient à suivre la course du soleil pour pouvoir rendre compte de son mouvement diurne ? Alors, on utilise un dispositif un petit peu particulier qu'on appelle un célostat, qui est composé de deux miroirs. L'un suit le mouvement du soleil dans son déplacement sur le ciel et l'autre, qui est immobile, renvoie la lumière dans une pièce qui constitue le laboratoire. Et dans ce laboratoire, on a installé le spectrographe. Alors, pour que vous compreniez le fonctionnement de l'instrument, je vous le fais marcher là. C'est le programme qui permet de faire l'acquisition des données. Là, vous voyez, l'objectif, il s'est déplacé. C'est ce qu'on entendait là. C'est ce qu'on entendait. L'objectif donc se déplace. Ça veut dire que le soleil va se déplacer devant la fente d'entrée. C'est une reconstitution d'image de fente pour reconstituer le soleil après en sortie. Et donc là, on sélectionne les raies. Si on veut la raie H-alpha, donc la raie H-alpha, rouge. H-alpha, c'est de l'hydrogène, c'est... La raie rouge de l'hydrogène. On sélectionne la raie H-alpha sur le logiciel. Et puis si on veut faire une pause, là, c'est une pause très rapide. On fait start. Et là, on entend l'objectif qui se déplace, donc l'image du soleil devant la fente d'entrée, et on a une reconstitution. Alors là, on voit le spectre, bon, aujourd'hui il n'y a pas de soleil, mais on voit le spectre qui défile, et après on va voir l'image en entière qui se forme. Donc c'est très rapide finalement. Alors on a 9 vitesses différentes, et les vitesses entre le matin, le midi et le soir sont différentes suivant la luminosité du soleil entre l'été et l'hiver. Voilà. Et quand on fait des pauses protubérances, comme on met une densité, un filtre devant le disque du soleil pour voir uniquement le bord du soleil, et bien on pose beaucoup plus longtemps et on va jusqu'à 2 minutes de pose. Donc là, c'est plus difficile parce qu'on a quand même beaucoup de nuages qui passent. Donc le spectrographe, lui, est composé d'une enceinte qui va renfermer 2 objectifs et un dispositif qui décompose la lumière. On appelle ça un réseau de diffraction. Donc l'ensemble est contenu dans une boîte qui fait à peu près 2 mètres de longueur. C'est ce que nous avons juste en face de nous. Et elle est terminée par une caméra. Caméra CCD, voilà, qui fonctionne à une vitesse très élevée qui est de 100 images par seconde. Donc là, il y a le réseau, la lunette et la caméra derrière. Donc ça, c'est la partie intérieure. C'est la partie acquisition. Voilà, c'est l'intérieur. La lumière pénètre au niveau de la fente d'entrée du spectrographe. Ensuite, elle est focalisée par un premier objectif sur un réseau de diffraction que l'on voit à l'intérieur. En amont de la lunette. Voilà. Et ensuite, la lumière qui est diffractée par le réseau de diffraction, donc qui est donc décomposée, est reprise par un second objectif que l'on voit là et qui porte une caméra CCD ultra rapide. Qui est reliée à l'ordinateur. Qui est reliée à l'ordinateur et c'est l'ordinateur qui va faire le traitement numérique que l'on obtient pour, in fine, donner des images monochromatiques. Est-ce qu'on pourrait voir à quoi ressemble un spectre issu de cette observation, ce genre d'observation ? Là, je vais vous montrer la pose protubérance en H-alpha. Donc, on a quand même la structure du soleil, mais on a surtout le bord du soleil pour les protubérances solaires. Le minimum d'activité solaire a lieu en 2019-2020. L'activité solaire va commencer à remonter à partir probablement de 2021 pour culminer, je pense, vers 2024. Ici, à Meudon, c'est l'endroit, le laboratoire où on collecte le plus de données au monde sur la partie spectro-héliographe. En quelle mesure vous collaborez avec d'autres laboratoires au niveau de l'exploration solaire ? Ces observations sont donc parfaitement complémentaires de celles que l'on obtient avec aujourd'hui des satellites, mais dans des longueurs d'onde qui sont essentiellement de l'ultraviolet. C'est-à-dire qui vont permettre d'observer la couronne solaire, c'est-à-dire une région qui est invisible du sol, mais qui est 100 fois plus chaude et plus ténue que la photosphère et la chromosphère que nous observons depuis le sol. C'est quand même une collection qui est unique au monde aussi, et c'est sur plaque de verre, jusqu'en 1981, et après c'est numérique depuis 2002. On peut dire qu'effectivement, l'instrument a traversé de nombreuses générations, donc l'instrument a suivi l'évolution des technologies, mais évidemment, on est passé de la plaque de verre aux détecteurs numériques et aux ordinateurs pendant ce laps de temps. Voilà les premiers outils terrestres d'observation du soleil au Lézier, à l'observatoire de Meudon. Peut-être simplement une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, mi-janvier. Oui, alors déjà, ça me fait très plaisir d'entendre mes collègues du Lézier. Effectivement, l'importance aussi qu'ont souligné ces deux collègues de l'observation terrestre, qui nous permet en fait de compléter véritablement les données que l'on ne peut pas, enfin que l'on n'a pas forcément dans des missions spatiales, et aussi des données qui remontent à vraiment très très longtemps dans le temps. Et tout à l'heure on parlait de ce cycle solaire de 11 ans. Il faut savoir que encore une fois, pour avoir une meilleure compréhension de comment est-ce que ce cycle solaire évolue au cours du temps, il faut remonter à des données qui sont lointaines dans le temps. Et c'est très important d'avoir ce genre de jeu de données. On a un auditeur qui vient de poster sur le fil Twitter @laméthodefc un gif, c'est-à-dire des images animées, des croquis de Galilée, des taches solaires sont effectivement très jolies, assez émouvants, assez intéressants. Tard, Marie, une réaction à ce reportage ? Oui, c'est à la fois, ça illustre 2 aspects. C'est très pédagogique parce que ça illustre mon collègue donc qui masculin qui parlait, c'est Jean-Marie Malherbe, du Lézia, que je salue. Ça illustre comment on observe, c'est-à-dire que en fonction de la température, la matière va émettre ou absorbé dans des, plus exactement dans des raies particulières, et grâce à ces transitions électroniques, on sait à quelle température elles peuvent se produire et donc à quel type de collision. C'est pour ça qu'on peut savoir, y compris jusqu'à la couronne. Là, c'est caractéristique du H-alpha. Donc ça, c'est très très bien expliqué dans ce reportage. Mais ensuite, quelque chose qui est derrière, qui est très important, puisque cette émission s'appelle La méthode scientifique, eh bien, personnellement, à titre anecdotique, j'ai beaucoup, quand je travaillais avec mes collègues sur le déclenchement des éruptions, eh bien, comment on travaille? On va chercher des données qui sont des données, par exemple, coronales, des données où se produisent. Alors aujourd'hui, il y a SDO avec des belles images de la couronne et même plus bas que la couronne qui permettent de voir ces éjections coronales de masse. Mais ensuite, quand on veut comprendre, modéliser, il faut repartir à la base. Et à la base, il y a presque tout le temps un filament ou protubérance. Et l'observatoire de Meudon, et cette équipe en particulier, ce qui s'appelait anciennement le DASOP, le département d'astrophysique solaire, est un acteur historique dans la compréhension de ces protubérances. Eh bien, ces protubérances-là, on va chercher, et on s'est retrouvé, je me suis retrouvé à San Diego, en Californie, à se dire, on va modéliser, on va essayer de comprendre un phénomène, où sont des données, où il nous faut des données correspondantes, on a des données dans certaines longueurs d'onde, il nous en manque dans d'autres. Eh bien, on en venait aux données de H-alpha, d'hydrogène, caractéristiques de la chromosphère, mais qui permettent de voir, quand on regarde en face, les protubérances qui sont plus hauts. Et ces protubérances, on en vient à de la physique, parce que ces protubérances sont un acteur majeur dans les éruptions. Et pendant très longtemps, on se demandait, est-ce qu'elles sont juste la trace de l'éruption passive ou est-ce qu'elles révèlent, elles sont le précurseur en révélant. Et c'est ce qu'on a pu avoir la chance de montrer par la présence de cordes magnétiques, par exemple. Vous évoquez la publication de Nature de 2014, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, parce que c'est intéressant, on va parler de SDO, mais ça c'est pré-SDO, hein, puisque c'est une éruption qui était en 2006. Voilà, c'est une éruption. C'est-à-dire expliquez-nous cette publication. Ça vous dit aussi anecdotiquement la méthode scientifique. Mm-hmm. On a des données. Et je vais reprendre une phrase qui est une phrase qui n'a rien à voir avec la science, qui est celle de Joseph II, qu'il dit à Mozart, lorsque devant l'enlèvement au sérail, en disant « il y a trop de notes ». Eh bien, je dirais « il y a trop de données ». Pas que c'est péjoratif. C'est-à-dire, pour un cerveau qui analyse, c'est pas nécessairement dans les données qui viennent d'arriver, il y en a beaucoup, ça ne veut pas dire qu'elles sont achetées, mais il faut du temps. Parfois, on fait des grosses découvertes tout de suite, comme les ondes de gravitation, on sait ce qu'on cherche et on les trouve, mais parfois, il faut du temps. Et donc, en 2014, on a étudié une éruption de 2006 avec un satellite, avec des instruments à bord, japonais, Inode, eh bien, qui permettait de mesurer le champ magnétique au niveau de la surface solaire. Donc, quand il y a une éruption, je vous ai décliné les types d'énergie qui étaient présentes, hein, de le rayonnement, particules et CME. Ben, ce qu'on sait CME. Dans, c'est éjection de masse coronarienne, oui. C'est une bulle de matière. Coronale. Voilà. Ça fait longtemps que je fais ce. Eh bien, c'est pas grave. Eh bien, on s'est demandé est-ce qu'on peut assister au dernier jour de la grossesse d'une éruption solaire. Donc, quand on travaille, donc méthode scientifique, il nous faut le critère, c'est d'avoir des données fiables, de très bonnes données, très haute résolution ou pas, mais de qualité, qu'on puisse valider au niveau de la qualité. Donc il nous faut du champ magnétique, c'est l'acteur principal, et il nous faut d'autres types de données. Donc on est allé chercher un peu partout, mais l'acteur principal étant le champ magnétique, on a suivi les derniers jours de cette grossesse de l'éruption, de J-4 jusqu'à l'heure de l'éruption, avec ces données d'Inode, et on les a suivis pendant ces 4 jours en faisant quelque chose qui est une sorte d'échographie. C'est-à-dire on peut pas avoir accès au champ magnétique dans la couronne, parce que les raies disponibles ne permettent pas d'avoir l'accès. Il fait trop chaud, il fait beaucoup trop chaud. Il y a un élargissement thermique qui fait qu'au lieu d'avoir des raies bien distinctes... Des raies de champ magnétique classique. Eh bien, on a un élargissement, et ce qui ne permet pas d'accéder au champ magnétique, par exemple, directement en tout point de l'espace. Et donc on a suivi, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que progressivement, de J-4, J-3, J-2, J-1, et jusqu'à quelques heures, se formait une gigantesque corde magnétique en faisant cette échographie dans la couronne solaire. Et c'est pas juste qu'elle se formait, c'est-à-dire qu'en prenant des données qui permettent de voir, puisqu'il y avait des filaments, eh bien, ces données expliquaient bien cette corde qui tenait en son sein, comme l'avaient déjà montré dans d'autres cas des collègues, c'est-à-dire l'importance par des modèles, mais là on l'avait sur une éruption réelle, que la matière se plaçait en des endroits particuliers, et c'est ça qu'on voyait en H-alpha. Voyez, et donc, c'est-à-dire que pour résumer, ces cordes magnétiques là finalement sont à l'origine des éruptions, c'est-à-dire qu'elles poussent, elles entraînent avec elles de la masse coronale, et non pas l'inverse. On ne savait pas ce qui était l'œuf ou la poule. C'est-à-dire là, en l'occurrence, vous avez trouvé l'ordre. Ces cordes magnétiques sont sujets à des instabilités ou des propriétés physiques magnétiques, hein, magnéto-hydrodynamiques, qui sont favorables à leur éjection. Et en ayant accès au champ magnétique dans le détail, on peut faire de la physique. Et à partir de là, on a pu comprendre quelles étaient les contraintes, les enjeux qui déclenchaient l'éruption en termes d'énergie, en termes de tension, de force magnétique, etc. Mieux, j'en viens un mot peut-être justement sur cette publication, c'est une de Nature en 2014. Oui, j'aimerais revenir notamment au reportage que l'on a entendu sur la complémentarité des données. Donc, comme l'a très bien souligné Tahara Marie, on a besoin à la fois de la compréhension du champ magnétique que l'on peut mesurer notamment à la surface du Soleil, de l'imagerie en H-alpha qui nous permet de voir comment se composent ces débuts d'une éjection de masse coronale, notamment avec la formation de filaments ou de protubérances, également de la spectroscopie, également de l'imagerie en extrême ultraviolet. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'on est un peu gâtés, dans le sens où on a énormément de données. Mais en fait, toutes ces données-là sont vraiment complémentaires et nous permettent véritablement de comprendre des aspects à la fois magnétiques et à la fois de la composition de ces cordes de champ magnétique, quel est le plasma solaire qui est transporté à l'intérieur de ces structures et comment ça se propage dans le milieu interplanétaire. Et l'importance, je dirais, des missions futures, c'est de faire le lien véritablement entre ce qui se passe au niveau du Soleil et ce qui se passe quand ces éjections de masse coronale évoluent dans le système solaire. Alors là, à l'heure actuelle, on va parler dans un instant de la future mission de l'ESA, mais à l'heure actuelle, il y a donc deux sondes, SDO dont on parle depuis tout à l'heure, Solar Dynamics Observatory, et Parker Solar Probe, qui a envoyé, on l'a dit récemment, qui a déjà fait trois tours, qui a été trois fois opéré à son périhélie. Et quels sont les premiers résultats que l'on a pu obtenir, qui ont donné lieu d'ailleurs à des publications au mois de décembre dernier, peut-être un mot mi-janvier là-dessus? Alors, juste pour préciser, on a quand même d'autres missions spatiales qui sont solaires, qui sont encore à l'heure actuelle, qui marchent encore à l'heure actuelle. Donc, on a parlé de Hinode. Hinode marche encore, alors pas tous les instruments. On a également SOHO, qui nous permet d'avoir de l'imagerie de la couronne éloignée du Soleil. Donc, on a encore pas seulement deux sondes, mais plusieurs missions spatiales qui nous donnent des données de manière régulière encore aujourd'hui. Alors, pour revenir aux nouveaux résultats de la sonde Parker Solar Probe, alors ce qui est très intéressant, alors j'ai regardé justement, on devait en parler avec mon équipe et malheureusement on n'a pas encore eu la chance d'avoir la réunion, mais pour avoir lu les papiers, je dirais que les choses les plus intéressantes, c'est la structure du champ magnétique relativement proche au Soleil. En fait, ce que l'on pensait jusqu'à présent, c'était que le champ magnétique était, on va dire, à peu près radial. C'est-à-dire que on avait des lignes de champ qui partaient du Soleil de manière, on va dire, droite. Et en fait, ce qu'a vu Solar Probe, c'est une sorte de retournement de champ magnétique, vraiment très très bref, une sorte de fluctuation qui montrerait que la structure du champ magnétique proche du Soleil est en forme de lacet, au lieu d'être tout droite. On a également vu des sortes de bursts d'explosions. Alors, c'est pas vraiment des explosions. Ouais. Alors, je sais pas comment vous traduire ça. C'est vraiment des sortes de mouvements un peu chaotiques à l'intérieur du vent solaire que l'on ne comprend pas et que l'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, en tout cas pour les données à unité astronomique, donc proche de la Terre. Et puis, d'autres choses aussi, c'est Parker Solar Probe a quatre instruments, donc ces instruments-là ont vu certaines choses corrélées de manière différente, donc soit en regardant les particules, soit en regardant le champ magnétique. Et il y a un des instruments qui s'appelle WHISPER, qui regarde en fait, c'est un imageur héliosphérique, et qui aurait vu une tendance à laquelle on s'attend, qui serait une diminution de la poussière interplanétaire. Et ça tendrait à montrer l'existence de cette zone en quelque sorte réduite complètement de poussière interplanétaire, même si Parker Probe n'a pas encore sondé véritablement cette zone. Mais c'est-à-dire que le nuage de poussière diminue progressivement. Exactement. À l'approche de la surface. Exactement. Alors on pense qu'il existe une zone où il n'y a plus de poussière du tout. Parker Probe n'a pas encore voyagé à l'intérieur de cette zone, mais les premiers résultats tendraient à montrer qu'effectivement elle serait plutôt là. Et une dernière chose que j'ai trouvé très intéressante aussi, c'est l'existence d'une... Alors, on n'a pas seulement une vitesse radiale, donc une vitesse vraiment en direction opposée. Si on s'approche du Soleil, c'est plutôt une vitesse qui s'éloigne du Soleil. On a également une composante de la vitesse du vent solaire qui est une vitesse... Azimutale. Azimutale, voilà, exactement. Et on avait jusqu'à présent un modèle de l'intensité de cette vitesse azimutale. Et en fait, les données de Parker Probe nous ont montré que cette vitesse-là est beaucoup plus importante que ce que l'on pensait. Ce qui nous fait penser que, eh bien, comme on a, par les lois physiques, une conservation du moment cinétique, le fait que le vent solaire transporte plus, enfin une vitesse azimutale qui soit plus élevée, donc un moment cinétique plus élevé, ça voudrait dire que le Soleil perdrait son moment cinétique de manière beaucoup plus importante que ce à quoi on s'attendait jusqu'à présent. Mmh. Donc ça pose la question de, eh bien, quelle est la perte du moment cinétique du Soleil, et est-ce qu'on s'est complètement trompé par rapport à l'évolution du Soleil à long terme. Mmh. Votre lecture, vos intérêts, Tahar Amari, peut-être qu'on peut évoquer l'un des points qu'a abordé mi-janvier, qui est celui de reconnexion magnétique, qui a fait couler pas mal d'encre tout de même parmi ces différentes publications. Oui, c'est vrai, mais Laisse commenter librement. Voilà, je veux modérer aussi l'enthousiasme. Pas l'enthousiasme de ma collègue, bien entendu. C'est que nous sommes à une certaine distance, effectivement. Vous avez vu que quand on a décliné les couches de l'atmosphère solaire, sans parler de l'intérieur, eh bien, en fait, on aurait pu ajouter, mais je crois que même, si je m'en souviens, ma collègue en a parlé, c'est qu'en fait, il y a toute une zoologie d'événements qui sont éruptifs, mais sans être des éruptions. J'avais appelé éruptifs, qui sont dynamiques, des petits jets, des petits bursts. C'est pas des bursts comme on dit, mais c'est pas le terme. Vous voyez, des apportent des noms, des blinkers. Il y a des tornades. Il y a tout plein de dynamiques. Cette dynamique-là, elle se produit beaucoup plus loin, très très loin de Solar Probe, d'accord. Solar Probe, d'où elle était, donc à plus proche, on va dire à 25 millions de kilomètres. Donc nous, tout ce que je vous parle, c'est à 7000 km, 5000 km, donc à 25 millions de kilomètres. Effectivement, il y a un vent solaire. Et ce vent solaire, donc le premier découplage, on vous a parlé du rayonnement, il y a un premier découplage dans le Soleil, c'est le découplage au niveau de la photosphère entre matière et rayonnement. La matière reste, la lumière nous vient. Deuxième découplage, c'est un découplage, on va dire, entre champ magnétique et vitesse de vent solaire. Tant que le vent est assez fort, tant que le champ magnétique est assez fort, il entraîne avec lui, puisque lui est attaché au niveau du Soleil, il entraîne le plasma avec, et puis arriver à une distance, qui est une distance qui a été sous-estimée, on va dire, par des modèles, ce qui est déjà pas mal. Mais quand il y a un facteur 2, quand il y a un facteur 2, ou même jusqu'à 10, on dit en astrophysique, mais là on est en solaire, on est pas mal de... Eh bien là, il a été sous-estimé, c'est ce découplage où là, la matière, le champ magnétique va continuer à tourner et la matière va continuer. Mais on pensait ce vent solaire, alors c'est vrai, on le pensait par vue du Soleil. Donc quand on s'en rapproche, il y a un facteur d'approchement, on va dire, qui fait qu'on voit beaucoup plus de choses. Donc même à 26 millions de kilomètres, ce vent, il est très dynamique. Il est dynamique, il a aussi, c'est pas juste un écoulement laminaire, et il est très dynamique, donc on voit... La dynamique, ça veut dire très perturbé par un certain nombre de jets, de plasma... Il y a des phénomènes de reconnexion, voilà. Quand un champ magnétique change de direction et tout, c'est la preuve de beaucoup de choses. Ça peut être la preuve de reconnexion, ce qui a été évoqué, c'est un peu aussi par rapport aux écoulements aussi, et c'est aussi la preuve et la signature d'ondes, parce que ça dépend à quelle fréquence il est, et donc tout ça donne des réponses, des éléments de réponse, enfin plutôt des diagnostics de la réponse de la matière à cette température. Et c'est lié au chauffage, mais c'est pas ça dit pas pourquoi ça chauffe, mais c'est lié au chauffage. Voilà. Donc oui, ce serait une reconnexion magnétique. Pourquoi j'ai pris En quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène de reconnexion magnétique? De quoi on parle exactement? La reconnexion magnétique, je sais pas, on peut dire, mais on peut toujours, après, on peut compléter réciproquement. Bien sûr. Mais la reconnexion magnétique, simple, disons de manière simple, c'est une, je vous dis, l'acteur principal, c'est le champ magnétique. Si je prenais un exemple, je dirais, pour des gens qui font de la physique des particules, il y a des collisions élastiques et des collisions inélastiques. Quand deux champs magnétiques se rencontrent, forcés ou naturellement, eh bien, ils vont interagir ensemble. Va naître une collision inélastique, mais c'est une collision plus simple que locale, plus complexe que locale, c'est-à-dire un champ magnétique organise à une distance qui peut être beaucoup plus grande que le lieu de rencontre, est organisé. Eh bien, cette réorganisation va être modifiée. Donc, c'est en ce sens-là qu'elle est inélastique, elle va produire plus les mêmes champs magnétiques, et lors de cette production, il y a conversion d'une partie de l'énergie en accélération, chauffage, etc. Et c'est ce qui se produit, je vous dis, de manière forcée ou non forcée. Mieux, j'en viens un mot sur ces fameuses reconnexions magnétiques. Oui, alors je dirais que ce qui est vraiment intéressant C'est que le Soleil est en quelque sorte un laboratoire naturel où on peut vraiment tester nos théories de physique des plasmas. Ce phénomène de reconnexion magnétique, il nous pose un énorme problème parce que, comme l'a dit Tahara Marie, la réorganisation du champ magnétique se fait à une échelle très grande, à une échelle globale. Donc on parle de mégamètres, donc vraiment des structures que l'on peut voir au niveau de la surface du Soleil, enfin au niveau de l'atmosphère du Soleil. Mmh. Et en même temps, eh bien, cette conversion, elle implique un chauffage et une accélération de particules. Donc des phénomènes qui ont lieu à très très petite échelle. Et de mettre les deux ensemble, ça nous pose beaucoup de problèmes. Déjà au niveau de simulation numérique, puisqu'il faut que l'on puisse simuler à la fois des comportements de champs magnétiques à très grande échelle et des particules à très petite échelle. Et puis aussi parce que dans les observations, on peut voir la réorganisation du champ magnétique à très grande échelle, on peut voir des particules, mais on n'a pas encore la sensibilité, ou en tout cas la résolution spatiale, de voir vraiment comment se comporte le champ magnétique à très petite échelle. Et donc comment se fait cette conversion de champ magnétique en d'autres formes d'énergie. Pour conclure, puisque nous arrivons dans les dernières minutes de cette émission, on va évidemment continuer à suivre les données, les publications que produit ces données que nous envoie la sonde Parker Solar Probe. Mais dans un mois, la suite, c'est une sonde européenne, Solar Orbiter. Peut-être un mot justement sur les missions que va apporter comme connaissance supplémentaire cette sonde européenne. Alors, c'est pratiquement un mois jour pour jour. Mm-hmm. C'est dans la nuit du 5 au 6 février. La particularité de la mission spatiale Solar Orbiter, c'est qu'elle va transporter à bord une dizaine d'instruments, 6 instruments que l'on appelle de télédétection, qui sont vraiment de l'imagerie, de la mesure du champ magnétique loin du Soleil, et 4 instruments qui vont mesurer l'environnement du plasma, donc du milieu interplanétaire autour de la sonde. Donc c'est la première fois qu'on a autant d'instruments et que l'on va se rapprocher autant du Soleil, donc un peu comme Parker Probe, mais pas autant que Parker Probe. Oui. Il faut savoir que ce sont des missions complémentaires, c'est-à-dire que Parker Probe va nous fournir des données que l'on va pouvoir utiliser pour interpréter notamment les données de Solar Orbiter. Les grandes questions, on a parlé des mystères de la physique solaire, tous ces mystères-là, on veut les résoudre avec Solar Orbiter, que ce soit le cycle solaire, que ce soit les éruptions solaires, que ce soit la propagation des éjections de masse coronale, l'accélération des particules énergétiques, la structuration du vent solaire. Toutes ces batteries d'instruments vont nous permettre de, on espère en tout cas, d'apporter une pierre à ce bâtiment qui est la physique solaire. Tahara Marie, pour conclure justement sur cette prochaine sonde. Oui, c'est que vous en attendez-vous à titre personnel, par exemple? À titre personnel, aujourd'hui, c'est les sondes. Il y a eu l'ère du. Moi, j'ai commencé où justement il y avait Eugène Parker. J'allais à des conférences où il y avait Eugène Parker de la Parker Solar Probe, et pratiquement la majorité de la conférence se faisait par des calculs analytiques. Donc, on travaillait avec un crayon et une feuille de papier. Ensuite, on a remplacé en faisant des modèles avec des simulations numériques, mais on faisait de la théorie. Et ensuite sont venues les missions. Et dans les missions aussi, il y a plusieurs sortes de missions. Et on est avec Solar Probe, qui elle est particulière parce que c'est la seule qui fait la Jules Verne et qui s'y approche. Mais avec Solar Orbiter, c'est une mission qui va avoir des en jouant avec ces deux types d'équipements, à distance et puis locaux, eh bien elle va permettre, par exemple, je vais juste illustrer quelque chose qu'ils trouvent intéressant, c'est de sortir du plan de l'écliptique. Pratiquement tout ce qu'on sait, je vous ai dit que c'est dominé par le champ magnétique. Donc quand vous vous mettez à un endroit dans l'héliosphère et que vous recevez du champ magnétique, il y a une grande quantité, ce qu'on appelle du flux, c'est un peu comme si vous mettiez une raquette de tennis et vous regardiez la quantité de champ magnétique qui vient dans cette raquette, eh bien, vient des pôles, vient de très haut des pôles. Mais, or, on ne sait pas bien mesurer, on ne connaît pas bien ce champ des pôles. Et ce champ des pôles est crucial, on va pouvoir l'atteindre en sortant de l'écliptique, et on va pouvoir ainsi contraindre les modèles dynamo. Merci beaucoup, on suivra ça évidemment de très près. Merci beaucoup à tous les deux, merci Mio Janvier, merci Tahara Marie d'être venu nous parler du Soleil. Un mot pour vous dire que le forum Comment garder les idées claires, le premier forum de l'année qui devait se tenir au mois de décembre, qui a dû être annulé pour cause de mouvement social, eh bien il aura lieu samedi 18 janvier. On va parler des idées claires, des fake news de la science, il y aura de la philosophie, de l'histoire, du débat. On vous met le lien sur le fil Twitter de l'émission @lamethodefc, c'est évidemment gratuit, mais il faut s'inscrire au préalable sur le site maisondelaradio.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Pascal Baudin à la technique aujourd'hui. Demain, nous parlerons de la culture hors sol, aquaponie, hydroponie. Comment faire de l'agriculture sans planter? Eh bien, ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.